chandelle et à pudeur. Les mots couchés seront pâtés, peu à peu se sont effacés. C'est mon image qui en bâtit, dès que ma muse fut partie. C'est mon image qui en bâtit, dès que ma muse fut partie. Devant moi, ma page entière se vit la tête de tous ces vers. Dans ma tête, plus une idée, plus une rime n'a germé. C'est mon humain qui en pâtit, dès que ma muse fut partie. C'est mon humain qui en pâtit, dès que ma muse fut partie. Mon compagnon, mon beau chagrin, me raille à mal, passe à moquerie. Me valait à l'émanité, ce soir je voulais renoncer. C'est mon humain qui en pâtit, dès que ma muse fut partie. C'est mon humain qui en pâtit, dès que ma muse fut partie. Est revenu plus vite qu'un mari cocu. Mon amuse est revenu plus vite qu'un mari cocu. Elle a même ramené ses sœurs, tout aussi cher à mon cœur. En un quart d'heure, j'ai consommé des milliers de feuilles de papier. Mon amuse est revenu plus vite qu'un mari cocu. Mon amuse est revenu plus vite qu'un mari cocu. Et aussi sûrement que Vulière, mes mots couvraient les pages entières. C'était prose à bien du vider, quelques centaines de fouillés. Une manouse est revenue, plus vite qu'un mari copie. Une manouse est revenue, plus vite qu'un mari copie. Maintenant je change dans ce vide, car il vaut mieux la nuit chérie. Une manouse est là à mes côtés, veillant à ma prospérité.